إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله متخشف خيسا. Aujourd'hui, le mercredi 25 شوال de l'année 1441 de l'Hégire, correspondant au 17 juin 2020. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de poursuivre ensemble notre étude de la biographie de notre prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à partir du livre de l'imam Ibn Kathir qui s'intitule Al-Fusul fi Sirati Ar-Rasul. Et on a fini de parler dans le chapitre précédent des preuves de la véracité de sa prophétie sallallahu alayhi wa sallam, ou les miracles de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aujourd'hui, nous allons commencer un nouveau chapitre dans lequel l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, il va parler des enfants de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses épouses. Il a dit qu'il a abordé précédemment ses oncles paternels et ses tantes paternelles. A'mam wa ammat nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il en a parlé précédemment et on a vu que, quand on en a parlé, on a vu que il y a des savants qui disent que le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah, il a 9 frères, il y en a qui ont dit 10, et il y a d'autres avis à ce sujet. En tout cas, le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est Abdul Muttalib, est-ce qu'il a eu 10 ou 11 ou plus? On a vu que l'avis que donne la plupart des savants, c'est qu'il a eu 11. Il a eu 11, et ceux qui sont entrés dans l'islam, des oncles paternels du prophète عليه السلام, uniquement 2. Al-Abbas et Hamza, radiallahu anhuma. Hamza qui est son oncle, mais qui est également son frère d'allaitement. Et par rapport aux tantes paternelle du prophète عليه السلام, les filles d'Abd al-Muttalib, on a vu qu'il avait 6 filles. Safiya, la mère de Zubayr, radiallahu anh, un des 10 annoncés au paradis. Atika, il a été rapporté qu'elle est entrée dans l'islam. Arwa et Umayma. Umayma, c'est la mère de Zainab bint Jahsh, épouse du prophète عليه السلام. Et Barra et Ummu Hakim. Ummu Hakim. Donc ça, c'est ses tantes paternelles. J'ai oublié de préciser par rapport aux oncles paternels, c'est important de savoir que ceux qui sont restés en vie jusqu'à ce que le prophète est devenu prophète, ce sont uniquement Abu Talib et Abu Lahab, Abu Talib et Abu Lahab, et l'Abbas et Hamza qui sont entrés dans l'islam, et les deux autres ne sont pas entrés dans l'islam, ils sont morts dans la mécréance, wal'iyadu billah. Par rapport à ces enfants, les garçons parmi eux, et les filles également, sont tous de Khadija. ils sont tous issus de son mariage avec Khadija bint Khuwaylid, la mère des croyants, radiallahu anha. Et le seul qui est né d'une autre femme, c'est Ibrahim, qui est né de sa servante, Maria al-Qibtiya, qui lui a été offerte par le Muqawqis. Le roi d'Égypte, des chrétiens d'Égypte en particulier. Ça lui a été offert par Al-Muqawqis. Donc c'est la seule de laquelle il a eu un fils qui s'appelle Ibrahim. Mais sinon, tous ses autres enfants sont nés de son mariage avec Khadija, la mère des croyants, sa première épouse, radiallahu anha. Les garçons de ses enfants, le premier c'est le Qasim, et il est surnommé avec l'aîné de ses enfants, qui est le Qasim. Ensuite, il a eu Zainab, radiallahu anha. Ensuite, Ruqayya. Ensuite, Umm Kulthum, radiallahu anha. Ruqayya et Umm Kulthum, les deux, il les a mariés à Uthman ibn Affan. Il lui a marié d'abord Ruqayya, et après son décès, radiallahu anha, il lui a marié Umm Kulthum. Et après le décès de Umm Kulthum, il a dit, alayhi salatu wassalam, si j'avais un troisième, je l'aurais marié à Uthman, radiallahu anhu. Uthman, qui a été tué par al-Khawarij, et qui ont coupé sa tête pendant qu'il lisait le Coran et pendant qu'il était en état de jeûne, après avoir assiégé sa maison. Et c'est pour ça qu'il s'est fait appeler Shahid al-Dar, celui qui a eu le martyr dans sa propre maison. Il a été tué dans sa propre maison. Et Nabi Isa Salam l'a informé qu'il aura le martyr quand ils étaient sur la montagne de Uhud. Et après Umm Kulthum, il a eu Fatima radiallahu anha. Donc tous ces enfants que je viens de citer, il les a eus avant qu'ils soient devenus prophètes, dans cet ordre qui a été cité. Al-Qasim, c'est pour ça la kunya du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on a vu, c'est Abu al-Qasim. Mais c'est autorisé de se faire surnommer par yani, autre que l'aîné de ses enfants. C'est autorisé. Comme l'imam Ahmad. Ce qui est connu de l'imam Ahmad, de son surnom, c'est Abu Abdillah, malgré que son fils aîné s'appelle Salih. Rahimahumullah. Donc il a eu le Qasim, ensuite Ruqayya, ensuite Zainab, qui est la plus âgée de toutes ses filles. Et on a vu comment elle est entrée dans l'islam, comment elle s'est comportée avec son mari. Son mari, Al-As ibn Wa'il. Quand Allah Azzawajal a révélé le verset, où là, on va commencer l'histoire par le début, parce que c'est une histoire impressionnante, qui démontre la fidélité de ces femmes. Et comment elles étaient éduquées dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant l'islam et pendant l'islam. C'est pour ça le meilleur d'entre nous, c'est le meilleur avant l'islam. Et quand il entre dans l'islam, il devient meilleur, bien évidemment. L'islam embellit sa aqida, son cœur, embellit son comportement, embellit ses actes. Donc, Zainab radiallahu anha, elle était mariée avec Al-As ibn Wa'il, qui est de la famille de Khadija radiallahu anha. Il a demandé en mariage, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a consulté, et elle a montré son accord et qu'elle voulait se marier avec lui. Et elle s'est mariée avec lui et elle est restée avec lui alors que lui, il est resté sur sa religion. Quand le Nabi a été envoyé comme messager et prophète, lui, il est resté sur sa religion, sur la mécréance. Et elle a suivi son père, elle a suivi l'islam. Et le Nabi ne les a pas séparés parce qu'Allah n'avait pas ordonné cela encore. Ça a été ordonné après l'immigration. Que toute croyante mariée avec un mécréant, elle doit se séparer de lui. Et la séparation n'a pas besoin de divorce ni de quoi que ce soit. S'il refuse l'islam, elle le quitte. Car le divorce, c'est entre deux croyants. Il n'a pas lieu entre un croyant et un mécréant. Et effectivement, le Nabi alayhi salam a ordonné, a envoyé un message à Al-As ibn Wa'il. Il lui a dit que tu dois te séparer de ton épouse, sauf si tu acceptes l'islam. Et si tu l'acceptes pas, tu dois te séparer d'elle. Et rends-moi ma fille. Le Nabi alayhi salam était à Medina et lui il était avec Zainab radiallahu anha à Mecca. Le Nabi alayhi salam il a fait l'hijra, elle est restée avec son mari. Et elle aimait beaucoup son mari radiallahu anha. Elle est restée avec lui, mais quand l'ordre d'Allah est venu, toute écoute et toute obéissance aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'As ibn Wa'il également il s'est montré brave. Et il a dit à Zainab que ton père, souhaite, que je dois te quitter. Elle l'a invité à l'islam, radiallahu anha. Elle n'a cessé de l'inviter à l'islam. Mais lui, il ne voulait pas entrer dans l'islam de peur que les gens disent qu'il a suivi une femme, qu'il a suivi sa femme, tellement il est amoureux d'elle, qu'il l'a suivi dans sa religion et il a délaissé la religion de ses ancêtres. Pour voir ce qui empêchait ces gens de suivre le haq. C'était souvent ça. Et subhanallah, cette shubha, cet argument maudit avec lequel les gens continuent à ne refuser de suivre le haq, encore aujourd'hui, c'est toujours le même. Aujourd'hui, comment ils disent les gens? Ils disent, je vais pas suivre la nouvelle religion. La nouvelle religion, c'est quoi? C'est la sunna. Ils restent attachés à la pratique sur laquelle il a trouvé son père et son grand-père. Même si c'est Sofia, l'égarement, Tablir, Ikhwan, les différentes formes d'égarement, et refuse de suivre le haq par attachement à la pratique de ses ancêtres. Et dans une longue histoire, cet homme s'est montré brave, comme j'ai dit. Il a conduit sa femme jusqu'à son père et jusqu'à ce que un jour il revenait avec une caravane commerciale de Cham, il s'est fait attraper par les croyants. Et lui, il a fui au début, mais finalement ils l'ont attrapé. Et quand Zainab radiallahu anha a su cela, elle est venue et elle a dit au prophète alayhi sallam, devant les compagnons, que je donne ma protection à l'As ibn Wa'il. Et Nabi alayhi sallam a informé les compagnons qu'ils n'avaient pas connaissance de cela et qu'elle vient de l'informer devant eux. Et effectivement, l'As est venu chez Zainab radiallahu anha, et Nabi alayhi sallam l'a informé, a informé sa fille qu'elle n'a pas le droit d'avoir des relations avec lui, car les liens entre eux sont coupés jusqu'à ce qu'il entre dans l'islam. Et ils l'ont libéré, et Zainab radiallahu anha, ils l'ont libéré, et il est reparti à Mecca. Il a donné aux gens ce qu'il leur devait, et après il est venu, il a annoncé son islam. Et il les a informés qu'il était prêt à entrer dans l'islam quand il était déjà à Médine. Mais il n'a pas voulu le faire pour que les gens ne pensent pas qu'il est entré dans l'islam uniquement pour prendre leurs biens, les biens des kuffars. Il a rendu aux kuffars leurs droits et leur amana, et ensuite il est venu, il est entré dans l'islam, et Nabi alayhi salam a validé son mariage avec sa fille, et il lui a pas demandé de renouveler le contrat de mariage. Et c'est devenu parmi les compagnons, radiyallahu anhu. Regardez, comment elles étaient ces femmes, comment elle a patienté avec son mari, comment elle a tout fait pour l'appeler à l'islam. Bien évidemment, la guider du cœur, c'est entre les mains d'Allah. Mais elle, elle a fait son maximum. Et c'est elle, déjà, qui a donné des bijoux que sa mère lui avait laissés en héritage. Elle les avait donnés quand l'As ibn Wa'il, il a été captivé dans la bataille de Badr. Il était parmi les captifs dans la bataille de Badr, et c'est elle qui a donné sa rançon. Elle a donné les bijoux de sa mère. Quand Nabi alayhi salam a vu ça, il a pleuré, alayhi salam, car ça lui a rappelé sa femme, Khadija radiallahu anha. Et il a demandé aux compagnons, radiallahu anhum, de rendre, s'ils acceptaient, de rendre, là, c'était le droit des muslimines. Et il leur a demandé de rendre à sa fille les bijoux de sa mère et d'affranchir pour elle son prisonnier. Et sahaba ont accepté, radiallahu anhum. Donc regardez, c'est elle, yani, qui a payé pour l'affranchir quand il a été pris parmi les captivités de la guerre de Badr, et là encore, fil Medina, jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal l'a guidé. Donc ça, c'est les enfants que Nabi Alayhi Salam a eu de son mariage avec Khadija avant la prophétie. Le Qasim, Zainab, Ruqayya, Umm Kulthum et Fatima. Fatima, c'est la dernière de ses filles. Et la plus petite de ses filles, radiyallahu anhum tous, est celle qui lui ressemblait le plus. Elle lui ressemblait même dans sa façon de marcher, dans sa démarche, radiyallahu anha. Il l'aimait beaucoup. Il l'a mariée à Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib, à un moment, il voulait prendre une seconde épouse. Et Fatima radiyallahu anha n'a pas voulu, a refusé. Et Nabi alayhi salam également a dit, ce qui fait mal, ce qui fait du tort à Fatima, me fait du tort. Et Ali radiyallahu anha n'a pu se remarier qu'après la mort de Fatima radiyallahu anha, qui est décédée 6 mois après la mort du prophète alayhi salam. Et ça, c'est un droit pour la femme. La femme, bien évidemment, elle doit accepter la polygamie comme législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et savoir qu'il y a un bien dans cela. Il y a énormément de bien. Afwan, pas un bien, un seul. Il y a énormément de bien, énormément de sagesse. Mais c'est son droit, tout en acceptant la législation d'Allah, de dire, moi, je ne peux pas supporter la polygamie à cause de ma faiblesse. Je suis très jalouse. Si elle est comme ça, ça reste sans droit. Et si jamais elle a imposé à son mari comme condition dans le contrat du mariage qu'il ne prenne pas de seconde épouse, si jamais il souhaite prendre une seconde épouse, elle a le droit de demander le divorce. Et elle rentre pas dans la menace de la femme qui demande le divorce à son mari sans raison valable. car ici, ça sera considéré comme une raison valable. Mais une femme qui veut le bien pour elle-même et pour ses sœurs et pour la Umma, elle agira comme agissaient les sahabiyat, radiallahu anhum. Et elle accepte si jamais yani son mari a les conditions, elle ne s'oppose pas à son mariage. Et des fois, malheureusement, certaines sœurs, elles peuvent s'opposer au mariage au point d'arriver à des divorces. Mais si elle n'arrive pas, ça reste son droit. Et le mari se doit de respecter cela. Si jamais il veut à tout prix se remarier, yani la femme a le droit de demander le divorce dans le cas que j'ai cité. Et dans la polygamie, comme les savants le précisent, il y a des bienfaits et des vertus pour la femme avant l'homme. Et pour l'homme, c'est plus une responsabilité. La polygamie, c'est pas comme certains d'entre nous peuvent l'imaginer, avec un esprit yani, en voyant la chose d'une manière simpliste, la polygamie, c'est pas une femme de plus ou deux femmes de plus et trois femmes de plus seulement. La polygamie, c'est deux fois plus de responsabilité. Deux fois, yani pour celui qui prend deux. Et trois, on dira la même chose, trois fois, quatre fois. Deux fois plus de responsabilité. Deux fois plus de devoirs. Deux fois plus de patience. Et deux fois plus de dépenses, et ainsi de suite. C'est pour ça, comme disait Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, le meilleur d'entre vous, c'est celui qui a le plus de femmes. Pourquoi? Parce qu'il va être juste entre ses épouses, il va donner à chacune ses droits, et il va dépenser plus que les autres, il va avoir plus de descendance que les autres, il va devoir patienter plus que les autres. Il ne peut rentrer dans le domaine de la polygamie qu'un homme qui a beaucoup de patience. Et celui qui n'arrive pas à patienter avec une femme, il ne pourra pas patienter avec une deuxième. En tout cas, dans la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a beaucoup de biens, mais chacun a son niveau de foi. Et les savants, ils citent un point que cette jalousie qui fait que certaines femmes puissent s'opposer à la polygamie, c'est considéré comme un défaut et c'est une faiblesse. C'est pour ça elle n'existe pas chez les femmes du paradis. Elle n'existe pas chez les femmes du paradis. Donc ça, c'est les enfants qu'il a eu, alayhi salatu wa salam, avant la prophétie. Et après la prophétie, il a eu, sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah, qui est appelé également At-Tayyib At-Tahir, le bon, le pur, car il est né dans l'islam. Il est né dans l'islam. Et ça a été rapporté que Tahir, c'est un autre de ses enfants. Et certains savants ont dit que c'est Tahir et Tayyib sont deux des enfants du prophète, mais non pas un seul qui est Abdullah. Certains savants ont dit que c'est ça qui est juste, mais la plupart des savants disent que Abdullah, c'est son fils, yani, qu'il a eu après l'islam, de Khadija, radiallahu anha, et parmi ses surnoms, At-Tayyib et At-Tahir. Et de Mari al-Qibtiya, comme on a vu, il a eu Ibrahim, qui est né à Médine, dans l'année 8, de l'Égypte. Il est décédé également à Médine à l'âge de 22 mois avant le sevrage. Le sevrage, c'est à 2 ans, 24 mois. Lui, il est décédé, radiallahu anhu, et rahimahullah, il est décédé à l'âge de 22 mois, c'est-à-dire avant le sevrage. Nabi Isa sallam a dit dans un hadith qu'a rapporté l'imam Bukhari et l'imam Muslim, il a dit inna lahu murdi'an fil jannah. Il aura une femme qui l'allaitera au paradis. Il aura une nourrice au paradis. Tous les enfants du prophète Isa sallam, garçons et filles, sont décédés avant lui, sans exception. La seule exception, c'est Fatima radiallahu anha. Elle est décédée après lui, 6 mois, dans la ville la plus connue. Et ça a été rapporté 8 mois, 70 jours, 75 jours, 75 jours, 3 mois, 100 jours. Et ça a été rapporté d'autres choses que l'imam Ibn Kathir a cité. Mais le plus connu, c'est qu'elle est décédée 6 mois après lui. C'est ça qui est rapporté dans les deux authentiques. Et c'est rapporté dans les deux authentiques quand Nabi Isa sallam l'a informé de son décès, à lui, elle a pleuré. Et ensuite, il l'a informé qu'elle sera la première de sa famille à le rejoindre. Et elle a souri. Et elle n'a dit ça qu'après la mort du prophète Isa sallam, malgré qu'elle a été interrogée, elle n'a pas divulgué ce secret. Mais après, Aïcha radiallahu anha lui a posé la question, pourquoi t'as souri au début, t'as pleuré au début, et ensuite t'as souri, et elle a répondu ainsi, radiallahu anha. Et celui qui a fait salat sur Fatima radiallahu anha, c'est son mari, Ali ibn Abi Talib. L'imam ibn Kathir, il dit, ça a été rapporté que c'est Abu Bakr Siddiq, et ça c'est un avis étrange. Ce qui est juste, c'est Ali radiallahu anhu. Et ça a été rapporté dans un hadith qu'elle a été lavée, qu'elle s'est lavée elle-même avant sa mort, peu de temps avant sa mort, et qu'elle a recommandé que personne ne la lave après sa mort. Et ça, c'est très très étrange. C'est rapporté dans un hadith faible. Et ce qui est juste encore, c'est que c'est Ali radiallahu anhu, son époux, qui l'a lavé. C'est lui qui l'a lavé et il a prié sur elle. Et yani Ali avec l'Abbas, l'oncle de Fatima radiallahu anha, et Asma bint Umays radiallahu anha, l'épouse de Abu Bakr al-Siddiq, et Salma Umm Rafi', ce sont ceux-là qui l'ont lavé, radiallahu anha. Ça, c'est rapporté par Abu Nu'aym et par Dharqutni al-Bayhaqi, que Fatima, radiallahu anha, a recommandé que celui qui la lave, que ce soit Abu Bakr, que ce soit Ali ibn Abi Talib, son mari, et Asma bint Umays. Effectivement, c'est eux qui l'ont lavé avec les autres que j'ai cités. L'Abbas et Umm Rafi' radiallahu anhum. Qu'Allah les agrée tous. Ensuite, l'imam Ibn Kathir a fait un autre chapitre pour parler des épouses du prophète alayhi salatu wassalam. Il a dit que la première avec laquelle il s'est marié sallallahu alayhi wa sallam, c'est Khadija bint Khuwaylid radiallahu anha qui l'a soutenu depuis qu'il a été envoyé alayhi salatu wassalam. Et on a vu l'histoire de son mariage avec elle. Et c'est la première qui a cru en lui dans la vie le plus juste, il dit l'imam Ibn Kathir. C'est la première qui a cru en lui dans la vie le plus juste. Il dit l'imam Ibn Kathir rahimahullah. Khadija radiallahu anha, c'est la première femme qui a cru en lui. Et ça, ça montre son statut dans l'islam. Donc, yani, à ce sujet-là, il y a des divergences entre les savants sur le premier qui a cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je vous avais cité que les savants, pour sortir de ces divergences, c'est de dire que la première qui a cru parmi les femmes, c'est Khadija. Et le premier qui a cru parmi les hommes, c'est Abu Bakr as-Siddiq. Et le premier qui a cru parmi les enfants, c'est Ali ibn Abi Talib, et ainsi de suite. Et de cette manière, en détaillant, on sort de toutes les divergences. Donc, de façon unanime entre les hommes de science, la première femme qui a cru au prophète Aïssa salam, c'est Khadija radiallahu anha. Et pendant son mariage avec elle, il n'a épousé aucune autre femme. Il dit l'imam ibn Kathir, rahimahullah, pour le grand statut qu'elle avait pour lui et la grande place qu'elle occupait dans sa vie, alayhi salatu wassalam. Il l'a épousée, il n'a pas épousé une autre femme avec elle. Il est resté monogame jusqu'à son décès, radiallahu anha. Elle est décédée, il l'a épousée, il avait 25 ans et elle avait 40 ans. Et elle est décédée, elle avait 65 ans et lui, il avait, alayhi salatu wassalam, 50 ans. 25 ans de mariage dans laquelle il n'a pas épousé une autre femme. Et après elle, la première des femmes qu'il a épousée, radiallahu anha, c'est Sauda bint Zam'a, al-Qurashiyya, al-Amiriyya. Il l'a épousée après la mort de Khadija, radiallahu anha. Il l'a épousée à Mecca. Et Sauda, radiallahu anha, elle était un peu âgée quand le Nabi Aïssa salam l'a épousée. Khadija radiallahu anha, elle est décédée avant l'émigration. On a vu, elle est décédée dans l'année où il y a eu l'arrêt de ce siège qui a été pratiqué sur la famille du prophète Aïssa salam, les Banu Hashim, par Quraysh. Cet embargo qui a été appliqué à eux après son arrêt et sa fin dans cette année est décédé Khadija radiallahu anha, est décédé également son oncle Abu Talib. C'est pour ça cette année s'est fait appeler par les hommes de science par la suite l'année de la tristesse, parce que le soutien interne qu'avait le prophète Aïssa salam chez lui était le réconfort, tout ce qu'il avait à la maison était fini avec la mort de Khadija radiallahu anha, et également la protection que lui assurait son oncle Abu Talib était finie avec sa mort. Et on avait vu quand on a parlé de ça que le kuffar osait des choses qu'il n'avait jamais osé après la mort de Abu Talib. Et ça, c'est parmi les sagesses que les savants disent dans le fait que Abu Talib n'est pas entré dans l'islam. Il serait entré dans l'islam, Nabi Aïssa salam n'aurait pas bénéficié de cette protection. Ils l'auront considéré comme lui, ils auraient fait du mal à tous les deux. Et Allah Azza wa Jalla a des sagesses dans chaque chose. Ça, c'est parmi les sagesses que les savants citent par rapport à Abu Talib. C'est pour ça, on avait vu que même l'Abbas, quand il est entré dans l'islam, Nabi Aïssa salam lui a demandé de rester à Mecca et de ne pas montrer qu'il est entré dans l'islam, dans un avis des savants. À notre avis, il n'est entré que quand il est venu fil Madina, quand il a émigré. Sauda bint Zam'a radiallahu anha, la deuxième femme que le Nabi Aïssa salam a épousée, il l'a épousée après la mort de Khadija radiallahu anha, quand elle a vieilli radiallahu anha, et que le prophète Aïssa salam a voulu la divorcer. Elle s'est mise d'accord avec le prophète Aïssa salam de lui offrir sa journée et qu'il n'était pas dans l'obligation de partager les journées entre ses épouses et de lui donner un droit, qu'elle a cédé son droit. Il est rapporté qu'elle l'a cédé à Aïcha radiallahu anha. Il est rapporté qu'elle l'a cédé au prophète Aïssa salam, et lui, il donne cette journée à qui il souhaite parmi ses épouses. Parce que l'homme polygame, il doit répartir ses journées entre ses femmes de manière équitable. Et c'est à son sujet, dit l'imam Ibn Kathir, que Allah Azzawajal a révélé ce verset dans lequel Allah Subhanahu wa Ta'ala dit: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. Dans le sens approximatif, et si une femme craint de son mari qu'il la délaisse ou la néglige, il n'y a aucun péché à ce qu'ils trouvent tous les deux un moyen de réconciliation. Se réconcilier est toujours meilleur. Se réconcilier est toujours meilleur. Donc, ils avaient trouvé cet arrangement, elle a donné sa journée, est-ce qu'elle l'a donné au prophète A.S. ou elle l'a donné à Aïcha radiallahu anha? En tout cas, le Nabi A.S. il a donné cette journée à Aïcha radiallahu anha, la plus aimée à lui de toutes ses épouses. Quand les savants et quand Allah il parle de l'équité et l'égalité entre les épouses, il ne parle pas du cœur et des sentiments. Ça, personne ne peut contrôler. C'est entre les mains d'Allah. Mais dans les dépenses, dans les journées, dans le nafaqat et dans le mabit, les nuits. Quand je dis les journées, je veux dire les nuits. Yani chacune son jour, yani ce qui est considéré, c'est la nuit. Quand les savants ils parlent de jour, c'est en réalité ils veulent la nuit. Mais de jour, l'homme il va là où il veut, mais de nuit, chacune sa nuit. Et Saouda radiallahu anha, elle est décédée vers la fin du califat de Umar ibn al-Khattab radiallahu anha. Et ça a été rapporté que le prophète a épousé Aïcha avant d'avoir épousé Saouda. Mais il n'a consommé son mariage avec Aïcha radiallahu anha que dans le mois de Shawwal de l'année 2 de l'Hégire. C'est-à-dire qu'il l'aurait épousé à Mecca avant d'avoir épousé Saouda, mais il n'a consommé ce mariage qu'après l'émigration, 2 ans après l'émigration. Et Nabi alayhi salam n'a jamais épousé une femme vierge excepté Aïcha radiallahu anha. Et il n'a jamais reçu la révélation en étant sur le même lit qu'une femme parmi ses épouses que dans le lit de Aïcha radiallahu anha. Il n'a jamais aimé une de ses épouses comme il l'a aimé elle, Aïcha radiallahu anha. Ça c'est rapporté dans les deux authentiques. Donc, quand Nabi rapporté qu'il n'a jamais aimé une femme, une de ses épouses, comme il l'a aimé, est-ce que ça c'est depuis qu'il l'a épousée, ou est-ce que c'est de manière absolue? Il y a une divergence à ce sujet-là. Vous savez, il y a une grande divergence. Quelle est la meilleure des deux, Khadija ou Aïcha? Khadija radiallahu anha ou Aïcha radiallahu anha? Je vais aborder ce point. Non, en fait, l'imam Ibn Kathir, il s'est limité à ça. Donc, il y a une divergence entre les savants. Quelle est la meilleure, Khadija ou Aïcha? Il y a une divergence, 2 avis. Il y a des savants qui disent c'est Khadija qui est meilleure, d'autres ils disent c'est Aïcha. Mais, wallahu a'lam, le mieux c'est de dire, comme on a vu tout à l'heure, pour lequel, le premier dans l'islam, le mieux c'est de détailler et de dire Khadija elle a des mérites dans le début de l'islam que Aïcha radiallahu anha n'a pas. Et Aïcha radiallahu anha elle a des mérites vers la fin de la vie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam que Khadija radiallahu anha n'a pas. Khadija radiallahu anha elle a c'est la première qui a cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est celle qui l'a soutenu avec son amour, avec ses biens et avec tout ce qu'elle possédait radiallahu anha. Khadija radiallahu anha, si on rentre dans ses mérites, c'est immense. Une femme à qui Allah azza wa jal ordonne à Jibril de lui transmettre le salam d'Allah. Et tellement elle avait de compréhension dans la religion, radiallahu anha, elle n'a pas dit « Allah is salam ». Car Allah, c'est lui le salam. Elle a dit « Allah, c'est le salam » et de lui vient le salam. Salam, c'est parmi les noms d'Allah. Celui qui est préservé de tout défaut et manquement et celui qui préserve ses créatures, qui préserve ses serviteurs du mal. Donc c'est Allah qui préserve. On fait pas de dua à Allah. On fait pas une invocation en faveur d'Allah. Allah, on l'invoque. Et on n'invoque pas pour lui. On dit pas salam à Allah. Parce que salam, c'est une forme de dua également. Quand je te dis assalamu alaik, je te fais dua pour qu'Allah te préserve de tout défaut et manquement. C'est pour ça quand on se rend dans un cimetière de muslimines, on leur fait dua. On leur dit assalamu alaikum ahl al-diyar min al-mu'minin wa al-muslimin. أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم للاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية. Donc ça c'est une forme de dua. Quand tu dis à quelqu'un salam alaykum, c'est une salutation et c'est une invocation. Et Khadija radiallahu anha, Allah Azza wa Jalla lui a annoncé au paradis un palais dans lequel لا تعب فيه ولا نصب. Il n'y a pas de fatigue, ni de peine, radiyallahu anha. Et ses mérites sont très très nombreux. Donc le mérite de Khadija, radiyallahu anha, au début de l'islam, c'est sans aucun doute, Aisha, radiyallahu anha, ne l'a pas. Et que Aisha, radiyallahu anha, est la meilleure des épouses du prophète, alayhi salatu wassalam, vers la fin de la vie de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce qu'elle a pris de la sunna, et ce qu'elle a mémorisé des hadiths, et la Ummah n'a jamais connu une femme avec autant de science que Aïcha radiallahu anha. Et on ne, comme il a dit l'imam al-Kathir, il a dit, nous ne connaissons pas une femme qui a atteint le degré de science de Aïcha radiallahu anha. Elle a atteint un degré extrêmement élevé. C'était une référence pour Sahaba, radiallahu anhu, pour les grands savants de Sahaba. Ils revenaient vers elle dans des points de divergence et également et surtout dans les points qui concernent le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans son foyer. Et elle est décédée dans l'année 57 où ça a été rapporté 58 de l'Hégire. Donc Aïcha radiallahu anha, Nabi Aïcha sallam l'a épousée, elle avait 9 ans. L'année 2 donc, c'est-à-dire qu'il est décédé après 9 ans de mariage avec elle. Elle avait combien? Elle avait 18 ans. Et elle a vécu, radiallahu anha, elle a vécu après lui longtemps, radiallahu anha. Elle est décédée en l'an 57. Et ça, c'est ce que citent la plupart des savants. 57 de l'Hégire. 57 de l'Hégire. C'est-à-dire, elle a vécu 57 moins 11, ça fait combien? Ça fait 6. 46 ans. Elle a vécu 46 ans après la mort du prophète, alayhi salatu wassalam. Vous imaginez tout ce qu'elle a transmis de la science, et tout ce qu'elle a rapporté, radiallahu anha. Ensuite, après Aïcha, radiallahu anha, Aïcha, bien évidemment, elle a des mérites qui sont rapportés, beaucoup de mérites qui sont rapportés dans la sunna et qui sont rapportés même dans le Coran. On a vu que cette... cet événement qui était douloureux à ce moment-là, qui était triste pour les musulmans, dans lequel elle a été victime, radiallahu anha, d'une diffamation, s'est transformé en un des plus grands mérites de Aïcha, radiallahu anha. Allah a révélé à son sujet divers versets dans sourate Nour, dans lesquels il l'a innocenté. et son innocence, elle sera répétée par le musulmane jusqu'à ce que Allah Azzajal permettra et ordonnera la levée du Coran. Après Aïcha radiallahu anha, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a épousé la mère des croyants, Hafsa bint Umar ibn al-Khattab, la fille de Umar ibn al-Khattab, Hafsa. Et par rapport à Hafsa, on a vu également l'histoire de son mariage avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Umar radiallahu anhu l'avait proposé à certains compagnons avant, il l'a proposé à Uthman, et ensuite il l'a proposé au début à Abu Bakr al-Siddiq, ensuite il l'a proposé à Uthman ibn Affan radiallahu anhu, ou l'inverse, j'ai un doute maintenant, en tout cas il l'a proposé à Abu Bakr et Uthman radiallahu anhuma. Et ensuite, il a compris que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam voulait l'épouser. Et Omar radiallahu anhu, il n'avait pas pensé que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam voulait épouser sa fille. يعني لأنها كانت أيم. Après le décès de son mari, Omar, il lui cherchait un mari. Regardez, subhanallah, wallah, يعني, si on veut s'arrêter sur chaque point et tirer des leçons, regardez comment ils sont, ces hommes. Mes frères, mes sœurs, on lit pas Sira juste pour raconter des histoires. Yani pour tirer des leçons. Regardez comment les hommes y sont. Un homme, le mari de sa fille décède, il lui cherche un mari. Et il cherche des maris comme cela, bien évidemment. Des maris pieux. C'est comme ça qu'on doit être. Yani, et on a vu que Sahaba radiallahu anhum, même si yani, la fille elle n'a pas perdu son mari, yani, dès qu'il voit qu'elle devient capable de se marier, il commence à lui chercher un homme pieux, avec un bon comportement. L'islam, yani, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans ses recommandations, il nous a montré l'homme qu'on doit chercher pour nos filles et pour nos sœurs, et ainsi de suite. Un homme qui a la religion, donc un homme qui a aqidat al-sunnah wal-jama'a et qui a manhaj al-sunnah wal-jama'a, ça c'est ce qu'on appelle la religion. Et ça suffit pas. Ça suffit pas. Il faut qu'il ait un bon comportement. Parce qu'il peut être un homme pieux qui suit al-sunnah wal-jama'a, qui fait partie de al-sunnah wal-jama'a, mais avec un mauvais comportement. Et cet homme, il va faire beaucoup de mal à ta fille. Donc, c'est important qu'il ait un bon comportement. C'est important qu'il ait un bon comportement. C'est quelque chose à voir et à chercher chez l'homme auquel tu marieras ta fille ou ta sœur et ainsi de suite. Ça, c'est pour l'homme. La fille, faut qu'on élève nos filles et qu'on les fasse grandir dans l'obéissance au mari et l'écoute du mari. Le mari, c'est le chef de famille. C'est lui qui commande à la maison. Je m'adresse à ma sœur. Quand tu te maries et tu décides de te marier, sache que tu deviens comme une esclave chez cet homme. Comme Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit. Tu dois l'écouter et lui obéir dans tout ce qu'il t'ordonne, que ce soit des obligations de l'islam qu'Allah t'a ordonné déjà, ou des choses qui sont permises. Et tu dois revenir vers lui et l'écouter. C'est comme ça que la vie conjugale devient yani, épanouie, on s'épanouit dans notre vie de couple, et on vit une vie heureuse. C'est avec l'obéissance de la femme au mari. Et pour le mari, il faut pas qu'il soit dur et difficile. Il exagère dans les ordres. Il faut qu'il fasse preuve de souplesse et ne pas être regardant de tous les détails. Ben, à certains points, même si tu les vois, fais comme si tu les as pas vus. لأن الأم نبل ne voit pas tout et ne fait pas des remarques sur chaque détail. Ça va tuer la femme également. Il faut que l'homme, il baisse son regard, il ferme les yeux sur les choses sur lesquelles on peut fermer les yeux, bien évidemment. Des choses qui touchent à l'honneur, des choses à dire, non. Mais des choses qui sont permises, sois souple dans ce qui est permis. Comme ça, quand tu vas ordonner quelque chose d'importante, tu seras écouté et obéi. Et la femme, il faut qu'elle soit dans l'obéissance à son mari. Même si elle n'est pas d'accord, du moment que c'est autorisé, suis-le. Il y a des techniques pour que ton mari t'écoute et prend en considération tes opinions. C'est de le respecter, de lui montrer le respect. Et il y a des moments qui sont opportuns pour que tu fasses des demandes ou des souhaits ou des achats. Faut bien choisir les moments. Et ça, les femmes intelligentes connaissent ces moments dans lesquels elles peuvent demander à leur mari. Et dans lesquels, en général, le mari ne refuse jamais. Faut qu'elle fasse preuve d'intelligence. Pas il rentre du travail, il est fatigué, il est transpire, et elle lui fait la liste des courses. Mansal. Il y a des moments où elle peut demander et des moments où elle doit ne pas faire de demande. Et la femme, elle doit étudier la personnalité de son mari et savoir ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Et elle ne doit pas se dresser comme adversaire à lui, comme s'il a un adversaire à la maison. Et ça, subhanallah, on trouve que les femmes dans les pays de l'islam, qui n'ont pas été éduquées comme dans les pays occidentaux, où la femme a son caractère, la femme est émancipée, la femme est comme ça, ça c'est des valeurs dans la société, malheureusement la société occidentale, qui gâche un peu la femme. On est dans nos pays de l'islam, en général, on voit que la femme, elle arrive à tout ce qu'elle veut avec son mari, sans qu'elle devienne son adversaire. Des petites techniques qu'elle connaissent, que toutes les femmes connaissent. Et si le mari est en colère, faut qu'elle apprenne à se taire et à écouter. Également, et ça ne veut pas dire que la femme ne peut pas être en colère. La femme aussi, elle peut être en colère des moments, surtout pendant certaines périodes qu'elle traverse d'une manière mensuelle, dans lesquelles il y a d'autres éléments qui se rajoutent, qui vont mettre une pression sur la femme, qui vont lui donner les nerfs, qui vont la mettre en colère. Là aussi, quand la femme, elle s'énerve, le mari, il doit couper la discussion et aller ailleurs. Car c'est dans des moments comme ça que Shaitan va profiter et il va faire écouter à la femme de la bouche de son mari des choses qu'il pense pas et qui vont la blesser. Si elle continue, et si lui continue aussi, il peut écouter des choses très méchantes de la part de sa femme que, au fond, elle ne pense pas. Mais la dispute et la colère, ça donne des choses comme ça. Donc on a parlé de Hafsa radiyallahu anha, fille de Umar ibn al-Khattab radiyallahu anha. Nabi alayhi salallahu alayhi wa sallam l'a épousée dans l'année 3 de l'Hégire. Dans l'année 3 de l'Hégire. Il l'a épousée à peu près une année après son mariage avec Aisha radiyallahu anha. Et l'imam ibn Kathir, il dit que le prophète alayhi salallahu alayhi wa sallam a divorcé Hafsa radiyallahu anha. Ça c'est rapporté dans Sunan Abi Dawood. Est rapporté dans Sunan al-Nasa'i également avec une chaîne de transmission authentique. Et ensuite, il l'a reprise. Après l'avoir répudiée, il l'a reprise, alayhi salatu wassalam, Et il est rapporté que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a ordonné de reprendre Hafsa. Il lui a dit, reprends Hafsa. فَإِنَّهَا صَوَّامَةٌ قَوَّامَةٌ. C'est une femme qui jeûne beaucoup et qui prie beaucoup la nuit. Et c'est ton épouse dans la dunya et ton épouse dans l'akhira également. C'est ton épouse dans la dunya et ton épouse dans le paradis. Et Nabi alayhi salam l'a reprise. Elle est décédée dans l'année 41 de l'Hégire. Rapportée 50 de l'Hégire, 45 de l'Hégire. Toujours ce que l'imam Ibn Kathir cite en premier, c'est le plus juste et l'avis de la plupart des savants. Donc, 41 de l'Hégire. Après Hafsa, il a épousé Umm Salama. Son prénom, c'est Hind. Hind bint Abi Umayya. Abu Umayya, c'est Hudayfa. Donc, il a épousé Umm Salama al-Qurashiyya, une femme de Quraysh, après la mort de son mari Abu Salama, qui est Abdullah ibn Abd al-Asad, ibn Hilal, ibn Abdillah, ibn Umar, ibn Makhzoum. Après son retour de Badr, il est décédé, radiyallahu anhu. Martyr. Après sa blessure dans la bataille de Badr, radiyallahu anhu. Bien évidemment, Abu Salama, c'est le frère d'allaitement du prophète, alayhi salatu wassalam. C'est le frère d'allaitement du prophète, alayhi salatu wassalam, avec Hamza. Après le décès de Abu Salama, il y a des sagesses de manière générale dans tous les mariages du prophète, alayhi salam, il y a des sagesses. Malgré que c'est autorisé pour un homme d'épouser une femme pour les relations intimes. Il faut pas se gêner de cela. Comment se gêner de ce qu'Allah Azzawajal a autorisé? Et comment se gêner de vouloir sortir ses envies dans ce que Allah a permis, dans le halal, tout en s'écartant de ce que Allah Azzawajal a interdit. Un homme ne se gêne pas du tout de cela. Mais, Nabi alayhi salam, dans la plupart de ce mariage, il y a beaucoup de sagesse. Il n'y a pas que ce côté-là. Donc, Umm Salama, après le décès de son mari, Nabi alayhi salam l'a épousé. Et c'était parmi les femmes les plus intelligentes. C'est une femme de Quraysh, très noble. Et c'est elle qui lui a recommandé, si vous vous rappelez, dans Sulh Hudaybiyah, quand Nabi alayhi salam a ordonné aux compagnons de se désacraliser de l'Umra, et qu'ils n'ont pas obéi tout de suite, ils espéraient que quelque chose descende de la part d'Allah, qui leur permette de faire l'Umra. Ils ont mis un temps à obéir. Umm Salama a donné au prophète alayhi salam l'idée de sortir et de se désacraliser devant eux et de raser sa tête et qu'ils vont le suivre. Effectivement, dès qu'il a fait ça, tout le monde a suivi. Car ils ont compris que c'était définitif. Il n'y avait plus moyen que ce soit abrogé. Et ça, c'est l'intelligence de Umm Salama radiyallahu anha. C'est une femme très faqiha, qui avait beaucoup de compréhension, une grande compréhension dans la religion, radiyallahu anha, et une grande, parmi les grands savants de l'islam, Umm Salama radiyallahu anha, les femmes savantes. Après le mari de Abu Salama, et après la fin de la période de vitalité de Umm Salama radiyallahu anha, النبي عليه الصلاة والسلام l'a épousé. Il a demandé en mariage et l'a épousé. Et ça, normalement, comme il dit l'imam Ibn Kathir, normalement ça s'est passé au début de l'année 3 de l'Hégire. Au début de l'année 3 de l'Hégire. L'année Badr, c'est dans l'année 2, après 4 mois et 10 jours de vitalité. Donc, Nabi alayhi salam l'a épousé le début de l'année 3. Ça, c'est le calcul de l'imam Ibn Kathir, rahimahullah. Et celui qui était le tuteur de Umm Salama dans ce mariage, c'est son fils, Omar ibn Abi Salama, radiallahu anhu. C'est lui à qui le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a donné ce conseil quand il l'a vu manger, que sa main se baladait dans le plat, il lui a enseigné de dire Bismillah et de manger devant, de la partie qui est devant toi. C'est pour ça que sunna, c'est de dire Bismillah, Samillah wa kul mimma yalik, et de manger devant toi, excepté quand il y a une chose qui ne se trouve qu'à un autre endroit, il n'y a aucun mal à la prendre. Le fait que Omar ibn Abi Salama était le tuteur dans le mariage de sa mère, ça c'est rapporté par Nasa'i, rahimahullah, mais le hadith est faible. Et c'est rapporté également par l'imam Ahmad, et Ibn Hibban, et Abu Ya'la, et ça a été authentifié par le Hakim et le Dhahabi également. Et le Hafid ibn Hajar l'a authentifié également. Donc, ça c'est authentique. Même si la narration de Nasa'i n'est pas authentique. Et l'imam ibn Kathir, il aborde un autre point concernant Omar. Qui est ce Omar dans ce hadith? Est-ce que c'est Omar ibn Abi Salama, le fils de Umm Salama radiallahu anha? L'imam ibn Kathir, il dit qu'il a fait un livre dans lequel il a parlé que de ce point, et que Omar, ici, c'est pas Omar ibn Abi Salama, c'est Omar ibn al-Khattab. C'est lui qui est allé, l'a demandé en mariage pour le prophète alayhi salatu wassalam. Et le tuteur, c'était effectivement son fils Omar ibn Abi Salama. Mais celui qui est cité dans ce hadith, qui l'a demandé en mariage pour le prophète alayhi salam, c'est Omar ibn Khattab radiallahu anhu. Et le fait que le prophète alayhi salam a épousé Umm Salama sans tuteur, c'est pas ça le plus juste. Le plus juste, c'est qu'il a épousé avec tuteur qui était Omar ibn Abi Salama radiallahu anhu. Mais si jamais, même si on suppose que cet avis est juste, qu'il a épousé sans tuteur, ça reste quelque chose qui est particulière au prophète alayhi salatu wassalam. Mais pour nous, le tuteur est indispensable dans la validité dans un mariage, la validité du mariage. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il n'y a pas de mariage sans tuteur. Et également les deux témoins. Ensuite, Nabi alayhi sallam a épousé Zainab bint Jahsh l'année 5 de l'Hégire, dans le mois de Dhul-Qa'da. Dhul-Qa'da, ça c'est le plus juste. Il a épousé Zainab bint Jahsh après qu'elle s'est séparée de son mari Zayd ibn Haritha, qui était appelé avant le fils de Muhammad, qui était son fils adoptif. Après que l'adoption a été interdite, c'est quoi qui a été interdit dans l'adoption? C'est pas de se charger d'un enfant et de l'élever et de s'occuper de lui. Ça, c'est parmi les actes les plus méritoires dans l'islam jusqu'à aujourd'hui. Mais ce qui a été interdit, c'est de s'attribuer cet enfant et de l'affilier à soi-même de manière officielle. Par exemple, à notre époque, dans les documents. Ça, c'est pas autorisé. Que tu l'inscrives dans le livret de famille. Il devient ton fils officiellement. Ça, c'est pas autorisé. C'est ça qui a été interdit. Car de cette manière, sa lignée va être perdue. Et peut-être qu'il va épouser sa sœur plus tard, sans savoir que c'est sa sœur. C'est pour ça que l'islam a interdit cela, afin qu'on sache chacun d'où il vient. Et c'est pour ça, dans les pays de Kufr, vous trouvez qu'ils ont souvent les relations entre frères et sœurs sans se rendre compte. L'homme, il va dans une autre ville, il fournique, des années plus tard, il a un enfant, il grandit, et il fait connaissance avec peut-être sa sœur dans l'autre ville ou là, des choses comme ça. Ça, c'est très courant chez eux. Et l'islam est venu parmi ces cinq, yani les cinq points que l'islam et la législation de l'islam a préservé, ce qu'on appelle daruriyat al-khams, c'est nasab, al-nasab ou al-irb, la descendance. Donc pour marquer parmi les sagesses d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce mariage de Zainab bint Jahsh, c'était pour marquer dans les esprits la fin de cette adoption dans laquelle quelqu'un il devient fils d'un autre par adoption. Et si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam pouvait cacher quelque chose de la religion de l'islam, il aurait caché ça quand Allah lui a ordonné de se marier avec Zainab. Mais il n'a rien caché de cette religion alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a transmise dans son intégralité comme Allah a voulu de lui sallallahu alayhi wa sallam. Et il a épousé Zainab après son divorce de Zayd ibn Haritha radiallahu anhu. Et Zainab, elle se vantait devant les autres épouses du prophète alayhi sallam, elle disait, toutes ces vos parents qui vous ont mariés et qui ont fait office de tuteur dans vos mariages, excepté moi, c'est Allah qui m'a marié. Car c'est Allah qui a marié Zainab à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et dans la matinée de son mariage avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans cette matinée a été révélé les versets de l'hijab, dans lesquels le hijab a été prescrit et c'est devenu une obligation pour les femmes de se couvrir et de couvrir le visage. C'est devenu une obligation religieuse dans l'année 5 de l'Hégire. Et ça s'est rapporté dans les deux authentiques. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam a voilé Zainab aussitôt. Radiallahu anha. Donc, comme j'ai dit, celui qui a fait ce mariage, le mariage de Zainab, c'était Allah Azza wa Jal. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَتَرًا زَوَّجْنَاكَهَا فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَتَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. Lorsque Zayd eut mis fin à tout rapport avec elle, Zainab radiallahu anha, nous te la donnâmes comme épouse afin que les croyants n'aient plus à s'embarrasser des épouses, afin que les croyants n'est plus à s'embarrasser d'épouser les femmes de leur fils adoptif. Une fois que ces derniers cessent tout rapport avec elles, l'arrêt d'Allah doit être ainsi accompli. L'arrêt d'Allah doit être ainsi accompli. Et Zainab radiallahu anha, c'est la première des épouses du prophète alayhi sallam qui est décédée après lui. Il l'avait informé, il n'a pas cité son nom, mais il a dit celle qui décédera après moi, la première, c'est celle qui a la main la plus longue, ou qui a le bras, afwan, le bras. Atwalukunna dhira'a. Celle qui a le bras le plus long. Et les épouses du prophète, pour savoir laquelle d'entre elles, elles se mesuraient les bras, pour voir laquelle avait le bras le plus long. Mais Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il voulait, c'est pas le sens propre. Il voulait celle qui était la plus généreuse. Et Zainab bint Jahsh, c'était des épouses du prophète, elle était extrêmement généreuse. Elle nourrissait beaucoup les pauvres, elle donnait beaucoup à manger aux pauvres, radiallahu anha. Et c'est effectivement elle qui est décédée la première après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Elle est décédée dans l'année 20 de l'Hijr. Et celui qui a prié sur elle, c'est Omar ibn al-Khattab. La prière sur le mort. Ensuite, après Zainab, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a épousé Juwayriya bint al-Harith ibn Abi Dirar al-Mustaliqiyya. المصطلقية, c'est-à-dire de Bani al-Mustaliq. On a vu après la bataille de Bani al-Mustaliq, le Nabi عليه الصلاة والسلام a épousé Jouayriya bint al-Harith. Et quand il l'a épousé, comment ils l'ont su? Il l'a voilé. Quand ils ont qu'il l'a voilé, ils ont compris qu'il l'a épousé, et ils ont libéré tous les Bani al-Mustaliq. Toutes les captivités de la bataille de Bani al-Mustaliq. Ils ont libéré tous les prisonniers, les otages, les captifs de cette bataille. Ils ne voulaient pas garder en prisonnier quelqu'un qui a un lien avec le Nabi عليه الصلاة والسلام, la famille de son épouse. Le Nabi عليه الصلاة والسلام, il l'avait affranchi, il l'a acheté à Thabit ibn Qais ibn Shammas, radiallahu anhu, et il l'a affranchi, il l'a épousé. Et elle, Jouayriya radiallahu anha, elle est décédée en l'an 50 de l'Hégire. L'an 50 de l'Hégire. Ensuite, Nabi عليه الصلاة والسلام a épousé Safiya bint Huyay ibn Akhtab al-Israiliya, qui est des fils d'Israël. Al-Harouniya, qui est de la descendance de Haroun, frère de Moussa alayhi salam. Al-Nadriya, qui est de Bani al-Nadr. Ba'afwan, Bani al-Nadir, qui est de Bani al-Nadir. Thumma al-Khaybariya, car Bani al-Nadir, ils avaient quitté Al-Madina pour Khaybar, quand ils étaient expulsés de Al-Madina. Et après la bataille de Khaybar, Nabi عليه الصلاة والسلام l'a épousé. Il l'a affranchi, il a fait de son affranchissement sa dot. Et il l'a épousé, radiallahu anha, Safiya. Et يعني après, يعني, car elle était déjà mariée. L'imam Ibn Kathir, il a pris un point important. Elle était déjà mariée. Et Nabi عليه الصلاة والسلام, il a attendu qu'elle devienne pure. Qu'elle devienne pure. Parce qu'une une femme qui a eu des relations avec des hommes et qui souhaite se repentir et se marier avec un homme, elle doit observer une période de pureté dans laquelle elle a aucun rapport jusqu'à avoir ses menstrues. Après, elle devient autorisée pour un homme pour l'épouser, afin que les eaux ne se mélangent pas. Donc, elle attend une période jusqu'à ce qu'elle devient, jusqu'à avoir, dans laquelle elle est pure, dans laquelle il n'y a pas eu de relation, jusqu'à avoir ses menstrues. Après, elle peut se marier. Ça veut dire, c'est sûr qu'elle a rien dans le vent. Elle n'est pas enceinte. Il y a des gens qui se posent la question. Ils disent, si on vérifie avec les tests d'aujourd'hui que la femme n'est pas enceinte, est-ce qu'elle est dans l'obligation d'observer cette période de pureté jusqu'à avoir ses menstrues? Naam, c'est une obligation religieuse. Et ces moyens de test ne sont pas pris en considération. Et ils peuvent se tromper. Combien de fois des femmes font des tests, ils leur disent qu'elle n'est pas enceinte et finalement elle est enceinte, ou l'inverse. Donc, des choses qui sont rapportées dans la religion, ça se respecte jusqu'à la fin des temps. Safiya radiallahu anha, j'ai dit qu'elle est décédée l'an 50 de l'Hégire. Et ça a été rapporté autre chose. Donc, dans cette même année dans laquelle il a épousé, alayhi salatu wassalam, Safiya bint Huyay, il a épousé l'année 7, l'année de Khaybar. Dans cette même année, Nabi عليه الصلاة والسلام a épousé Ummu Habiba. Son prénom c'est Ramla bint Abi Sufyan, la fille de Abu Sufyan. Abu Sufyan c'est Sakhr ibn Harb et la sœur de Muawiya ibn Abi Sufyan. Nabi عليه الصلاة والسلام a épousé Ramla bint Abi Sufyan. Sa kunya c'est Ummu Habiba radiyallahu anha. Et ça a été rapporté qu'il l'a épousée une année avant Khaybar, yani l'année 6. Celui qui l'a demandé en mariage pour lui, c'est Amr ibn Umayya al-Damri, radiallahu anhu. Elle était en Éthiopie. Après la mort de son mari, Ubaydullah ibn Jahsh. Après la mort de son mari, Ubaydullah ibn Jahsh, qui est le frère de Zaynab bint Jahsh. Celui qui s'est chargé de ce mariage, ça a été rapporté que c'est Khalid ibn Sa'id ibn al-As. Et ça a été rapporté que c'est Najashi. C'est Najashi, le Négus, le roi de l'Éthiopie. C'est lui qui s'est chargé du mariage. Mais le premier est le plus juste. Par contre, Najashi, c'est lui qui a donné la dot de Umm Habiba à la place du prophète alayhi salatu wasalam. Il lui a donné 400 dinars, 400 pièces d'or. Et il l'a équipé de tout ce qu'elle avait besoin et il l'a envoyé au prophète alayhi salatu wasalam. Par contre, ce qui a été rapporté dans l'authentique de l'imam muslim, que Abu Sufyan, quand il est entré dans l'islam, son père, il a dit au prophète alayhi salatu wasalam, j'ai la meilleure des arabes, la meilleure femme de tous les arabes et la plus belle de toutes les femmes arabes, Umm Habiba, fille de Abu Sufyan, je te la marie. Yani, pour vous résumer, ça c'est une erreur dans le hadith. Mais Abu Sufyan, il avait proposé une deuxième de ses filles au prophète alayhi salatu wasalam. Quand il a vu l'honneur que tu avais quand tu maries ta fille au prophète alayhi salatu wasalam, elle devient la mère des croyants, il a voulu lui marier une deuxième de ses filles, qui était Hamna, Umm Habiba, elle s'appelle Azza bint Abi Sufyan, la sœur de Umm Habiba, la sœur de Umm Habiba radiallahu anha. Il a voulu lui marier sa deuxième fille, yani qui s'appelle Azza, la sœur de Ramla, pour avoir plus d'honneur après son entrée dans l'islam, alors que lui, c'était un des plus grands ennemis du prophète alayhi salam. Il ne se contente pas de lui marier une fille, mais il veut lui marier sa sœur également. Et il a demandé à Umm Habiba d'intercéder auprès du prophète alayhi salam et de l'inciter à épouser sa sœur également. Et quand elle lui a dit ça, Nabi alayhi salam, il lui a dit, est-ce que tu aimerais que je l'épouse? Elle a dit oui. Et là, le Nabi alayhi salam lui a montré l'interdiction que l'homme se marie avec une femme et sa sœur. L'interdiction d'épouser une femme ainsi que sa sœur. Ça, c'est pas autorisé dans l'islam. Mais par contre, si tu divorces une femme, tu peux épouser sa sœur. Ou si ta femme décède, tu peux épouser sa sœur également. Mais ce qui est interdit, c'est de les épouser en même temps. D'être marié avec les deux en même temps. Mais si jamais tu divorces une femme ou elle décède, ou que tu souhaites épouser sa sœur, c'est autorisé. C'est pour ça la sœur de ta femme ne fait pas partie de tes maharim. Tu ne dois pas la voir, ni te mélanger à elle, ni la toucher. C'est une femme étrangère pour toi. Pourquoi? Parce que tu peux l'épouser. Et l'interdiction de l'épouser, c'est une interdiction temporaire. Le maharim, c'est les femmes avec lesquelles tu as une interdiction de mariage à vie. Telles que ta mère, ta sœur, ta tante, maternelle, paternelle, la mère de ta femme aussi, c'est une femme que tu ne peux jamais épouser après que tu as épousé sa fille. Ça, c'est des maharim. Toi, tu es un mahram pour ta belle-mère. La femme de ton père également. Si ton père il se marie avec une autre femme, t'es un mahram pour elle. Parce que dès que ton père il l'épouse, tu peux plus jamais l'épouser. Et la fille de ta femme également, dans notre mariage. Dès que tu consommes le mariage avec sa mère, enfin, dès que tu t'épouses sa mère, tu ne peux plus épouser la fille. Une interdiction à vie. Mais la sœur de ta femme, non. Si jamais tu te sépares de ta femme, tu peux épouser sa sœur. C'est pour ça que tu n'es pas un mahram pour elle, même si elle t'est interdite pendant le mariage avec sa sœur. Mais ce n'est pas une interdiction ni à vie. C'est une interdiction temporaire, tant que tu es marié avec sa sœur. Umm Habiba radiallahu anha, la mère des croyants, Ramla bint Abi Sufyan, est décédée en l'an 44 de l'Hégire. Et ça a été rapporté autre chose. Ça a été rapporté qu'elle est décédée en l'an 59 de l'Hégire, une année avant le mariage de son frère Muawiyah ibn Abi Sufyan radiallahu anha. Ensuite, Nabi Isa salam a épousé dans le mois de Dhul-Qa'da de cette année toujours, il a épousé Maymouna bint al-Harith al-Hilaliya. Et ils ont divergé, est-ce qu'il était dans un état de sacralité ou pas? Et ce qui est juste, c'est qu'il n'était pas dans un état de sacralité. Et que, yani, c'est une erreur du rapporteur uniquement. Il l'a épousé après s'être désacralisé, alayhi salatu wassalam, de sa umra, comme Maymouna elle-même, elle a rapporté. Maymouna, c'est la tante paternelle, la tante maternelle de Abdullah ibn Abbas. C'est la sœur de la femme de l'Abbas, le père de Abdullah ibn Abbas. C'est pour ça, c'est dans beaucoup de hadiths, comme le hadith dans lequel Nabi Issa sallam priait de nuit, il était présent chez Abdullah ibn Abbas, était présent chez Maymouna radiallahu anha, khalatuhu. Et il a prié avec Nabi Issa sallam, parce que c'est son khala, sa tante maternelle. Elle est décédée radiallahu anha, Maymouna bint al-Harith, elle est décédée un endroit qui s'appelle Sarif, après l'Umra. Et c'était en l'an 51 de l'Hégire. Ça a été rapporté 53 et d'autres avis. Et celui qui a prié sur elle, c'est le fils de sa sœur, Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma. Donc là, on a vu les 9 épouses que le Nabi a épousées après Khadija, radiallahu anha. Les 9 dont les hadiths concernant leur mariage sont rapportés dans les 2 authentiques et qui sont restés en vie après la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Les 9. Nabi alayhi salatu wassalam a épousé 11 femmes dans la vie le plus connu des savants. Il est décédé, il a laissé 2 de ses femmes. Les 2 qui sont décédées avant lui, c'est Khadija radiallahu anha et Zainab bint Khuzaima radiallahu anha. Il y a d'autres avis par rapport au nombre des épouses du prophète alayhi salam, mais on va se limiter à celui-là qui est le plus juste et le plus authentique et le plus connu. Il a épousé 11 femmes. Il est décédé, il a laissé derrière lui 9 de ses épouses radiallahu anhun. Et les 2 qui sont décédées avant lui, Khadija bint Khuwaylid Zainab bint Khuzaima radiallahu anha. C'est pas Zainab bint Jahsh. Il a épousé 2 femmes dont le prénom est Zainab. Par contre, les servantes qu'il avait, alayhi salatu wassalam, il avait 2 servantes. Maria bint Shamoun al-Qibtiya, Ummu Ibrahim, celle qui lui a été offerte par al-Muqawqis, le roi d'Alexandrie. Et il lui a offert Maria ainsi que sa sœur Shirin, avec un mulet également, qui s'appelle Duldul, le baghla de Nabi Isa sallam. Nabi Isa sallam a donné Shirin à Hassan ibn Thabit. Il a gardé pour lui Maria al-Qibtiya. Et c'est d'elle qu'il a eu Ibrahim alayhi sallam. Donc elle ne faisait pas partie de ses épouses. C'était يعني une servante qu'il possédait alayhi salatu wassalam. Après son décès, c'est Omar qui a pris sur elle radiyallahu anha, Maria al-Qibtiya. La deuxième, c'est Rayhana bint Amr qu'il a pris de Bani Qurayda. C'était une femme juive. Et il l'a prise comme servante, et dans certaines versions, il l'a épousée. Mais ce qui est juste, c'est qu'il l'a gardée uniquement comme servante. Et ensuite, il l'a affranchie, et elle a rejoint sa famille. Et ça a été rapporté qu'il avait d'autres servantes, en plus de ces deux qui ont été citées. L'imam Ibn Kathir a dit, Wallahu ta'ala a'lam. Ainsi, il a fini cette partie concernant les épouses et les servantes qu'avait, alayhi salatu wassalam. Dans le cours précédent, nous allons parler des compagnons qui étaient au service du prophète, alayhi salatu wassalam, et de ceux qui écrivaient pour lui la révélation, les scribes de la révélation, et ses mu'adhdhinin, ceux qui faisaient l'adhan pour lui, ainsi que ses messagers pour les rois de la terre. Pour les rois de la terre. هذا والله تعالى أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بارك الله فيكم pour votre écoute وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته